Un soir, en sortant du spectacle, j'entre chez elle. Elle allait souper en ville et moi aussi. Peut-on partir sans faire graisser ses bottes? Je m'assois sur une chaise. Elle se met sur moi et je la fous. Dans le plus fort du plaisir et feignant de perdre la tête, la gueuse ne la perdit pas. Ma montre était superbe, elle en avait envie. L'escamoté lui parut joli. Elle la tire doucement et la met dans sa poche. Aussi chatouilleux qu'elle, je m'en aperçois et je parviens à lui dérober la sienne, qui était d'un grand prix. Nous nous quittons. Le lendemain, grandes inquiétudes de sa part, plaisanterie de la mienne, pour dénouement. « Vous êtes une effrontée coquine, lui dis-je. Je vous rends votre montre. Gardez la mienne, vous l'avez profanée. Ma seule vengeance sera de répandre ce trait odieux. Il est neuf et vous fera honneur. » Elle jura. Je lui fis la révérence et je sortis. Il faut donc jeter le mouchoir. Allons, Dorville, tu seras ma sultane. Ma foi, elle en vaut la peine. Une taille de nymphe remplie de grâce, le plus bel incarnat anime son teint de blonde. Ses grands yeux bleus ne demandent qu'à mourir pour ressusciter. On se retrouve du moins avec elle, celle-là. Ma cuisinière m'avait dégoûté. Nous commençâmes par coucher ensemble, et ma nuit fut éloquente et décisive. Je m'établis maître de la maison. J'avais sous moi un intendant avec qui il fallait des ménagements, parce qu'il payait la dépense. Je suis bon diable, je lui laissais la chambre libre. Cette nouvelle jouissance me plaisait beaucoup. Tous les raffinements de la volupté nous enivraient tour à tour. Je la trouve un matin dans son cabinet de bain. Elle en sortait, comme Vénus Anadyomène, parée de sa seule beauté. Une jambe était encore dans la baignoire. Elle appuyait l'autre sur un fauteuil. Ses beaux cheveux flottaient sur ses épaules. Sa main caressait une gorge d'albâtre. Elle contemplait tous ses charmes avec un doux sourire. Placée dans l'embrasure de la porte que j'avais entr'ouverte, observateur, je jouissais de ce spectacle délicieux, et le feu coulait dans mes veines. Un bruit léger que je fais m'offre un nouveau tableau. Elle se baisse toute honteuse, la rougeur la colore. Elle cherche à se faire un voile de sa longue chevelure. Un petit caniche assis sur le fauteuil s'élance justement où il fallait entre ses cuisses, lève la tête, voile le sanctuaire, jappe de toute sa force et remplace par sa petite gueule une autre fente. J'entrai en riant à gorge déployée. Ma belle fut bientôt consolée, et devinez comment. Vous imaginez que je devais être heureux. Eh bien, je ne l'étais pas. Dans ce beau corps, le temple des grâces, Dorville renferme l'âme d'une furie bizarre, capricieuse. Elle n'a de constance que dans le mal et la noirceur. Intéressée, avare même, elle n'attire des amants que pour les dévorer. « Je suis fâché, me disait-elle un jour en parlant d'un malheureux, dépouillé par elle, perdu, abîmé, sans ressources. Je suis fâché de lui avoir laissé les yeux pour pleurer. » Dorville empoisonne tout. Sa langue perfide dénature les choses les plus simples. Son esprit artificieux, fécond en intrigues, cache la dissimulation la plus profonde sous le voile de la naïveté la plus ingénue. Méchante comme tous les faibles, les crimes ne lui coûteraient rien sans la crainte des supplices. Et pourquoi vivre avec un pareil monstre? Je ne la connaissais pas, elle est séduisante. Je croyais qu'elle m'aimait. J'en fus cruellement puni. Le comte de était mon ami. Il venait souvent chez Dorville. Sa présence ne me gênait pas. Je ne l'en croyais pas amoureux. J'étais tranquille, mais bientôt je crus démêler en lui de la contrainte. Il venait plus fréquemment, mais sa gaieté disparaissait. Peu à peu, il se montra sombre et taciturne, accabla notre société d'ennui et moi de chagrin. Je m'efforçais de le distraire. Il recevait mes avances avec cette politesse gênée qui présage aux amis le refroidissement et la rupture. Dorville est adroite, insinuante. Je la priais de tirer de mon ami le secret de ses malheurs. Elle parut entrer dans mes vues, la perfide. Quelques jours après, elle m'inquiéta par sa profonde tristesse. Je la surpris plus d'une fois versant des larmes qu'elle voulait dérober. Inquiet, alarmé, je pressais, je conjurais. Enfin, dans ces moments où tout entier l'un à l'autre, on ne se refuse rien, je renouvelais mes efforts. Alors, avec cette émotion, cet accent, que la vérité seule devrait connaître, « Oh, mon ami, me dit-elle, cher amant, je vais navrer ton cœur, mais exige ta parole. » Cette parole sacrée que tu contiendras une trop juste fureur. Je promets ce qu'elle me demande. Tu croyais le comte ton ami, il n'est qu'un traître. Un traître, lui? Oui, un traître bien lâche. Et il a voulu me rendre sa complice. Il m'a fait l'aveu de son indigne amour. J'ai essayé de le ramener à l'honneur, à l'amitié. J'ai employé la douceur, les prières, les larmes. Mais au nom de l'amitié, son emportement a été extrême. Je l'abjure. S'est-il écrié, je l'abjure. Mon rival est mon ennemi. Ajouterai-je les insultes qu'il t'a faites ? Non, non, mon cœur enseigne encore. Tu voudrais te venger, tes jours seraient en péril, mais Dieu ! Que je crains de noirceur, le barbare ! Et des pleurs inondent son visage, elle en baigne le mien. Ses caresses portent dans mes veines tous les feux de la volupté et tous les poisons de la jalousie. L'orgueil développe un amour que je n'avais pas cru sentir. Moi, je perdrais tant de charme. Indigne ami, tu périras. Ton sang lavera ton offense. D'Orville ne feint d'apprécier ma fureur que pour la tiser davantage. Mais elle m'avait lié par des serments. La rage se concentre et fomente dans mon sein. Le comte revint. Nous nous agaçâmes. Je le persiflais. D'Orville, toujours entière, empêchait toute explication. Cette situation était trop violente pour durer. Le comte m'insulta, nous sortîmes. La fureur nous guidait l'un et l'autre. Je l'atteignis d'un coup mortel qui l'étendit à mes pieds. Hélas ! Le voile affreux qui nous couvrait se dissipe aussitôt. Le comte laisse tomber son épée. Je me précipite sur mon malheureux ami pour arrêter son sang. « C'est en fait, me dit-il, je meurs. Je l'ai mérité, ami. Je voulais t'arracher la vie. D'Orville me l'avait demandé. » D'Orville au ciel, ma passion était au comble. Elle avait mis mon bonheur à ce prix. Adieu, pardonne-moi, que je meure du moins ton ami. Il s'efforce de m'embrasser. Il expire, ô terre. Englouti-moi, je m'arrache de ce lieu d'horreur. Désespéré, furieux, j'erre en proie aux furies qui me déchirent. Je ne sais où je vais. Mes pas s'arrêtent machinalement devant la maison de l'infâme. J'y monte et je tiens encore le fer fumant du sang de mon ami. C'est moi qui l'ai tué, m'écriai-je en hurlant de douleur. Tiens, monstre, assouvis ta rage. Il n'est plus, tu voulais qu'il verse à mon sang. Tu m'as demandé sa vie, tu lui demandais la mienne. Viens, prends-la, rassasie-toi de carnage. Le sang-froid, la sérénité règnent sur son visage. La joie y perce. Elle ose encore me tendre les bras, me féliciter sur ma victoire. Horrible mégère, tremble. Cette main que tu as rendue criminelle pourrait t'en punir. Un geste furieux accompagne ces mots. Son sein palpite et la pâleur le couvre. Je jette mon épée loin de moi. Toute son audace renaît. « Eh bien, dit-elle, j'ai tout conduit, il est vrai. Je le détestais, j'ai alimenté son amour pour le perdre. Je l'ai animé contre toi. Je savais que je ne t'exposais que faiblement. Il m'avait offensé autrefois en me préférant une rivale. Je suis vengé. » Je l'entendais à peine. Devenu plus calme, je m'évanouis et je me retrouvais dans mon lit, au milieu de mes gens. Longtemps, je fus inconsolable. Absorbé dans ma douleur, je fuyais les humains. L'image de mon ami succombant sous mes coups me suivait sans cesse. Je me refusais à toute distraction. Je mourais lentement, j'invoquais le tombeau. Dans la même maison, mais dans un corps de logis séparé du mien, la femme d'un colonel vivait très retirée. Jusque-là, je lui avais rendu 4 fois par an les simples devoirs de l'honnêteté. Ma vie trop dissipée, le genre auquel je m'étais livré, ne m'avait pas permis de faire beaucoup attention à elle. Mon valet de chambre, instruit de mon affaire et désespéré de mon état, imagina que cette jeune dame pouvait seulement tirer. Mon changement de conduite et d'humeur avait fait un événement dans la maison. Il sut se faire presser d'en découvrir la cause. Quelques mots lâchés à la femme de chambre excitèrent la curiosité de la marquise. Mon homme lui détailla ma funeste aventure. Elle en fut touchée. Chaque matin, ses gens s'informèrent par son ordre de ma santé. L'apathie où j'étais plongé ne me permit pas de sentir que je devais l'en remercier. Nous nous rencontrâmes un jour en sortant. Elle me fit des reproches de mon humeur sauvage avec un air d'intérêt. Je lui marquai de l'empressement de réparer ma faute et nous restâmes. Ma visite fut courte, mais le premier pas était beaucoup. Je continuai, je la vis plus fréquemment. Bientôt, je n'en bougeais pas. La marquise était douce et complaisante. Elle ne se rebutait pas de détails 100 fois répétés. Elle s'attendrissait et pleurait avec moi. Ma douleur devint moins amère. Le sentiment de ce que je devais à cet aimable ami me fit une douce habitude de la reconnaissance. « Aïe, gare l'amour, hélas, mon enfant, tu as raison. Une liaison intime, une confiance sans borne entre une femme de 22 ans, charmante et un jeune homme, y conduisirent infailliblement. D'ailleurs, combien la douleur dispose à la tendresse. Enfin, te voilà à l'amour parfait. Belle chute, mon ami, belle chute. Non, je ne ferai point le langoureux, filante. La marquise n'est pas de ces femmes qui se plaisent au merveilleux. » Jolie, sans vouloir le paraître, vraiment bonne et sensible, aussi séduisante qu'on peut l'être et toujours égale, cette femme adorable n'est cependant pas heureuse. Son mari, comme trop de nos militaires, néglige un trésor qu'il possède pour courir après des guenons. Il ne croit pas à la vertu qu'il n'est pas digne de connaître. et cependant il est jaloux jusqu'à la brutalité. Qui ne sait que c'est le moyen le plus sûr d'accomplir sa destinée? Il était digne de la sienne, mais combien Euphrosie méritait peu son infortune? Quelle différence, ô mon ami, entre les caresses ingénues d'une femme aimable et naïve et les agaceries de nos coquines? Celles-ci peuvent enivrer nos sens, mais leur fougue dissipée, on retombe sur soi-même. Le dégoût, l'ennui empoisonnent jusqu'au plaisir passé. Il faut s'aiguillonner pour les goûter encore. La marquise a tout l'éclat de la jeunesse joint à une taille imposante. Elle paraîtrait colossale si elle était moins bien proportionnée. 5 pieds, 4 pouces, pieds nus, le plus beau corps du monde, une gorge ravissante, le bras, la main potelée, une physionomie qui, sans être la beauté, renferme 1000 grâces que n'a point une belle, une irrégularité piquante, des cheveux gros comme le bras, et qui lui descendent jusqu'aux pieds. Voilà son portrait. Personne ne sait mieux que Euphrosie manier le ridicule. Sans la bonté de son cœur, elle serait caustique, mais elle craindrait de faire de la peine même à ceux qui l'auraient offensée, si le respect qu'elle inspire le permettait à l'audace. Chaque jour, son esprit m'étonnait davantage. Sa modestie lui faisait trouver étranges les marques de mon admiration. « Mais mon ami, m'avait-elle dit 20 fois, tu te rendras ridicule. Sans cesse tu me vantes, tu t'extasies sur des choses aussi simples. Tout le monde en dirait autant. Mais son âme, comment te peindre cette âme tout aimante qui n'a d'existence que pour les sentiments nobles et tendres? C'est par eux qu'elle sort de ce calme inaltérable et doux qui la caractérise dans la société. C'est là qu'elle puise cette chaleur qui la rend si touchante, si dévouée, si sublime en amour. Euphrosie est aussi voluptueuse que tendre, mais elle est toujours décente. Elle est pure, elle est chaste, et voilà pourquoi je ne connus jamais de jouissance égale. Ne vous attendez pas à m'en voir esquisser le tableau, que le voile du mystère couvre à jamais nos plaisirs. Mais que de combats j'eus à soutenir contre sa vertu. Combien de fois il me fallut lui répéter que le crime seul faisait la honte, et que l'amour, un amour tel que le sien, ne pouvait pas être criminel, l'avouerai-je? Son devoir fut longtemps plus fort que moi. Elle sentit le danger. Elle eut le noble courage d'écrire à son mari, de lui demander ses soins et sa présence. Il méprisa cette femme respectable. Il rejeta ses prières. Une indifférence repoussante, un mépris insultant, furent le prix des efforts qu'elle faisait sur elle-même, pour s'arracher à la tendresse. Je persuadais, je triomphais. Euphrosie ne rougit plus devant moi. La paix régna dans son cœur, et quel homme de fer osera la condamner? 6 mois se passèrent au milieu des délices. Isolés du reste de la nature, nous nous suffisions à nous-mêmes. Nos feux, sans cesse renaissants, avaient toujours le charme de la nouveauté. Une confiance mutuelle et sans bornes achevait notre bonheur. Hélas, peut-il durer longtemps? Vil jouet du destin, que possédons-nous de stable? Et pour quelques gouttes bien mêlées dans l'océan de mots, faut-il chérir la vie? La marquise portait dans son sein un gage de notre amour. Bientôt son état ne fut plus incertain. J'étais au comble de la joie, sans oser le lui témoigner, joie insensée peut-être, mais si douce que je ne pensais pas même à la combattre. Euphrosie, plus éclairée par ses pressentiments, se sentait dévorée d'inquiétude, que sa douceur et son amour déguisaient à peine. Son mari, de retour à Paris, avait aisément démêlé nos liaisons, et le lâche les avait divulguées. Il nous prodiguait à tous deux les injures. 20 fois Euphrosie arrêta mon bras prêt à la venger. Elle sut m'enchaîner par des serments, mais son bonheur fut altéré à jamais. Sans cesse je la surprenais baignée de larmes, et j'y mêlais les miennes. « Euphrosie, lui dis-je un jour, hélas, je cause tes douleurs, et je ne puis les adoucir. Nos cœurs cessent-ils donc de s'entendre? Ah! Pourrais-tu jamais me haïr? Te haïr? Ah! Jamais tu ne me fus si cher. Cet enfant infortuné que je nourris dans mon sein naîtra sous de cruels auspices sans doute, mais il a resserré, s'il est possible, les nœuds qui m'unissaient à toi. Va, mon ami, je ne suis point injuste, et je t'ai fait des sacrifices. Ne crois pas que je m'en repente. Je t'en ferai de bien plus pénible, cher amant. Il m'en reste peut-être bien peu à t'offrir. Au moins que cet enfant te rappelle sa mère. Cruel, que veux-tu me faire entendre? Et voilà donc ton amour? Ah, si je t'étais cher, paierais-tu d'un tel prix ma tendresse? Meurs, meurs, pusillanimamente. Mais tu jouiras avant d'expirer du barbare plaisir d'avoir immolé ton amant. Tu vas priver ton enfant de tes embrassements et des miens. Il restera en but à tous les coups du sort. Inconnu sur la terre, entouré d'ennemis peut-être, il vivra pour la douleur, et c'est toi, si tendre, si compatissante, qui, en lui donnant le jour, le voue à de longues infortunes que n'adoucira jamais notre tendresse. Euphrosie m'interrompt par ses sanglots, mais le torrent de larmes qu'elle répand dans mes bras paraît soulager son cœur. « Oh, mon Euphrosie, lui dis-je alors, quitte ces funestes pensées, rappelle ton courage, conserve-toi pour l'amour. Ne m'as-tu pas dit 1000 fois que tu ne vivais que pour moi ?» Elle me promit d'être plus tranquille. Je crois qu'elle le devint en effet. Peu de jours après, des ordres de la cour me forcèrent à me rendre en Bretagne. Mon voyage devait être court, mais Euphrosie avançait dans sa grossesse. Que d'inquiétude j'allais lui donner, et combien j'en ressentais. Des pressentiments affreux nous agitaient. Nos adieux furent cruels. Longtemps pressés dans les bras l'un de l'autre, il nous semblait que c'était pour la dernière fois. Euphrosie s'évanouit. On m'arracha d'auprès d'elle. Il fallut partir. Déjà, je me flattais d'un prompt retour. Mes affaires allaient finir. Je reçois ce billet d'un ami. Que fais-tu, malheureux? Tu remplis de stériles devoirs, et tu négliges les plus sacrés. Accours, ne perds pas un instant. Viens servir l'amour. Je vole, l'âme saisit d'effroi, j'arrive. Horrible spectacle. Tout est en deuil chez Euphrosie. Ciel, ô ciel, elle n'est plus. Je veux la voir, je veux l'embrasser encore, je veux mourir avec mon amante. J'avance, malgré les efforts de ceux qui me retiennent. Ils me parlent, je ne les entends pas. Ivre de désespoir, j'allais entrer. « Arrête, jeune téméraire, me dit un vieillard vénérable qui sort de la chambre d'Euphrosie. Respecte ces lieux habités par la douleur. Son accent sévère mais touchant pénètre mon cœur. Je me précipite à ses genoux, sans le connaître. Je l'embrasse. Oh, quoi que vous soyez, ayez pitié de moi. Laissez-moi revoir mon amante. J'invoque cette seule grâce, et hélas, ne puis-je obtenir une mort plus douce auprès d'elle? Relève-toi, me dit-il en pleurant. Jeune insensé, tu précipites au tombeau ma douloureuse vieillesse. Que t'avais-je fait? Jusqu'ici, rien n'a souillé mes cheveux blancs. Tu livres mes derniers jours à la honte, au désespoir. Déjà ton funeste amour me coûte mon fils et ma fille. L'un était mon soutien et l'autre mon bonheur. Vous, son père? Ô Dieu! Vieillard infortuné, prenez ma vie. Je ne désavouerai pas mon amour. Et puissiez-vous, en vous vengeant, me réunir à mon amante? J'ai tout perdu. Je pourrais t'imputer tous mes maux, mais je n'ai pas le cœur d'un barbare, et je ne puis ni ne veux te haïr. Mes cris, mes gémissements sont ma seule réponse. Et quoi, c'est donc à moi de te consoler? Calmez-vous, jeune homme trop malheureux. Euphrosie, eh bien mon père, j'attends à vos genoux mon arrêt. Euphrosie respire encore. Elle respire, ô Dieu, laissez-moi. Courons, je m'arrête avec le sang-froid et l'égarement du désespoir. Mais non, elle n'est plus. Vous me flattez encore pour savourer plus longtemps votre vengeance. À ces mots, mes forces m'abandonnent. Je tombe sur un fauteuil. Une stupeur mortelle s'empare de moi. J'ai les yeux ouverts et je ne vois rien. Le père d'Euphrosie daigne me prendre la main. Je ne vous trompe point, mais votre sort et le mien n'en sont guère moins cruels. Croyez ce que je vous dis et apprenez les malheurs que vous causez. 8 jours après votre départ, le marquis de vint voir ma fille. Euphrosie venait de lui confier son état et son amour. Le marquis, furieux, s'emporte contre sa femme dans les termes les plus outrageants. En vain mon fils veut l'apaiser. Le marquis menaça Euphrosie. Il voulut même la frapper. Mon malheureux fils se jeta au-devant de sa sœur. Son beau-frère, hors de lui, tire son épée et le force à se mettre en défense. La rage l'aveuglait. Il se précipite sur le fer de son adversaire. Mon fils, désespéré, le blesse. Le marquis cachait un pistolet, dont il tua mon enfant. À la vue de ce combat funeste, Euphrosie était tombée sans connaissance. Les douleurs d'un accouchement prématuré la rappelèrent à la vie et à toute l'horreur de sa destinée. Elle a mis au monde un enfant qui n'est plus. On a jusqu'ici désespéré de la mère, aujourd'hui elle paraît moins mal. Comment échapperait-elle à sa douleur? J'avais dévoré ce terrible récit, j'étais immobile, mais Dieu, que de serpents déchiraient mon cœur! Eh bien, m'écriai-je avec amertume, elle vit, mais c'est pour me détester, mais non, Euphrosie ne peut pas me haïr. Oh, mon père, ah! Souffrez que je vous donne ce nom, je vous offrai ma vie, elle vous sera consacrée. Que je répare autant qu'il est en moi vos pertes affreuses, que je devienne votre fils. Oh, combien les devoirs m'en seront doux! Mais, mon père, laissez-moi sauver votre fille. Euphrosie vivra pour vous aimer. Le bon vieillard s'attendrit. Un rayon d'espoir pénètre son âme. Il pleure sur moi. Il daigne me presser contre son sein. Hélas, nous nous abusions tous deux. Euphrosie revint à la vie, mais une mélancolie profonde l'avait empoisonnée pour jamais. Elle refusa de me voir et courut s'ensevelir dans un couvent. Je tentai tout pour vaincre ses résolutions. Son père seconda mes efforts. Tout fut inutile, elle prit le voile et prononça les vœux.